Eh bien, nous allons commencer avec. Nous allons commencer. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre oui ou non. Est-ce que Dieu aime la communauté? Ah bon? Ah ben, voilà. Oui, alors on n'a pas gâché la journée. Bon, alors, il est évident que Dieu aime la communauté, la création en témoigne, et le régime du salut en témoigne. Bon, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, au chapitre 16, il s'agit ici du même incident qui est arrivé à Césarée et Philippe, lorsque Jésus a été reconnu comme Messie. Jésus dit ceci, il dit, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Et moi, j'applaudis ça. J'aime bien cette parole. Parce qu'il prend en charge l'établissement et le progrès de l'Église. « Je bâtirai mon Église. » Mais je lui dis, « Vas-y. » Bonne chance. Et moi, pendant ce temps-là, je restais chez moi, regarder des vidéos françaises, manger du chocolat suisse, et puis rêver à des vacances au Québec. Il veut bâtir son église, qu'il le fasse. L'ennui, c'est que l'évangile de Matthieu se poursuit. On arrive au chapitre 28. Fini les chocolats, les vacances. Parce que là, il y a comme un défaut. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit à ses disciples, donc à moi, il dit, « Allez et faites des disciples parmi toutes les nations. » Et là, je suis responsabilisé. Mais je prends du réconfort en ce que je viens de dire, je viens de manipuler la parole de Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit « Allez et faites des disciples parmi les nations », ce qui serait facile. On établit quelques petits îlots de vie chrétienne par-ci, par-là, et on se contente, on dit « Eh bien, il y a des disciples parmi les nations ». Mais qu'a-t-il dit? Quel était l'ordre du Christ? « Allez et faites des disciples de toutes les nations ». Oh là là! Des disciples de toutes les nations. Sa vision était totale, universelle, inclusive, exhaustive. Était-ce un rêve? La tête dans les nuages? Ou bien savait-il ce qu'il disait? Avait-il le sens des réalités? Croyait-il vraiment qu'il serait possible de faire des disciples de toutes les nations? Eh bien, la manière dont on s'y est pris pour faire des disciples de toutes les nations, pas moyen. D'abord, il a dit « Allez », et souvent nous n'allons pas, nous attendons. On nous invitons peut-être aux gens de venir à des réunions, à ce qu'on appelle des croisades, etc., ou bien écouter la télévision, ou bien on passe des traités, on fait du porte-à-porte, mais essentiellement, on attend. On attend quoi? Que les gens viennent à nous. Il a dit, vous serez pêcheurs d'hommes. Bon, on va à la pêche, mais on fait comme le gars qui va dans sa barque, Il rame, se met au milieu du lac ou de la rivière. Il prend son amorce et puis il l'aligne au fond du bateau. Puis ensuite, il sort son cantique, il se met à chanter des cantiques. Et puis, il croit que les poissons vont venir sauter dans la barque et aller attraper l'amorce et se faire prendre. Bien sûr, il y a quelques idiots de poissons qui peut-être... Oui, mais la plupart, non. Hein. Ce que je voudrais vous dire, c'est que peut-être nous devons réviser nos méthodes d'évangélisation traditionnelles et finalement nous rendre compte qu'elles ne marchent pas. Il n'y a pas moyen de faire des disciples de toutes les nations de la manière dont on s'y prend. Et alors quoi ? Retour aux sources. Retour aux sources. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je crois qu'il y a quatre méthodes, pas des méthodes en tant que telles, mais des approches dans le Nouveau Testament pour faire des nations des disciples. La première, page 14, c'est la méthode que j'appelle passive. En effet, je crois que la meilleure manière pour l'Église de faire l'évangélisation, c'est de ne pas en faire. De ne pas en faire. C'est la meilleure méthode. Et pour cela, je me réfère à l'histoire dans le livre des Actes, l'histoire des débuts de l'Église, c'est-à-dire Actes chapitre 2, verset 47, la dernière phrase du chapitre 2, où il nous est dit, après nous avoir donné la description de la vie de l'Église, une vie communautaire intense, il nous est dit que quoi ? Que Dieu ajoutait jour après jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qui est-ce qui fait l'évangélisation dans ce texte ? C'est Dieu lui-même, le Seigneur, jour après jour. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une communauté qui est épanouie et qui fonctionne comme un centre rayonnant d'amour chrétien. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une communauté dont les critères sont l'acceptation mutuelle, la soumission les uns aux autres, le leadership en tant que fonction de servant, participation au ministère sur la base des charismes individuels, rencontre de l'autre dans les conventicules des cellules de maison où les gens se rapprochent les uns des autres et partagent la vie ensemble, des décisions qui ne sont pas imposées au groupe, mais dans lesquelles le groupe participe, etc. Et alors, ce que je vous suggère, c'est que d'après les Écritures, il semble que des communautés qui fonctionnent de cette manière exercent un pouvoir magnétique d'attraction qui fait que les gens qui sont en manque de communauté, qui sont créés pour la communauté, qui vivent dans un monde où il n'y a pas de communauté, où il y a des communautés brisées, que ces gens sont naturellement attirés vers ses centres de vie. Je pourrais vous en raconter des histoires de gens qui ont été convertis, non pas par le message de l'Évangile, mais par cette attraction de la communauté qui fait qu'ils ont pu ensuite se placer là où l'Évangile était prêché. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être le meilleur moyen de faire de l'évangélisation, c'est pour l'Église d'être véritablement communauté authentique. Plutôt que d'être non-communauté et puis de faire l'évangélisation de la manière dont nous la faisons, qui mène à rien et qui ne donne pas de résultat en proportion avec les efforts fournis. En tout cas, on est loin de faire, avec ces moyens, on est loin de faire de toutes les nations des disciples. Bon, ceci dit, je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais être atteints par ce moyen. Pourquoi ? Essentiellement deux raisons. D'abord, parce que beaucoup de ces églises qui sont établies n'ont pas de rayonnement. Ce sont des corpuscules minuscules qui n'ont pas de voix et souvent pas de présence. Je ne sais pourquoi, on croit que c'est un mérite d'avoir des églises qui sont presque invisibles. Et je ne dis pas que toutes les églises doivent être des méga-churches, des méga-églises. En fait, j'y crois pas beaucoup, moi, mes méga-églises. Non. Mais en tout cas, je crois qu'une église doit avoir une présence valable. Elle doit se faire entendre là où elle est. Elle doit exercer un champ magnétique d'attraction. La deuxième raison, c'est que nous faisons face à une génération de gens qui sont devenus insensibles à leurs besoins de communauté. En fait, ils ne savent pas ce que c'est que la communauté. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais vu ça. Alors, ils ne peuvent pas être attirés par la communauté. Pour eux, c'est quelque chose d'étrange, d'inconnu. Pourquoi ? Beaucoup de raisons, le matérialisme de notre âge, la poursuite des possessions, des plaisirs individuels et souvent occultes, l'individualisme à outrance, etc. Mais ces gens qui sont en dehors de notre atteinte, ben, ces gens, ça fait partie des nations pour lesquelles, de l'ordre, auxquelles s'applique l'ordre de Jésus, n'est-ce pas? Ça fait partie de ces nations qui doivent être attirer l'Évangile et puis ensuite devenir des disciples. Alors, que va-t-on faire pour eux? Comment atteindre ceux qui ne sont pas en mesure d'être atteints? Les loin de Dieu, les éloignés. On les ignore, on les délaisse, on les abandonne à leur sort. Je raconte une histoire. Il l'a été une fois. Il y avait deux petits garçons qui avaient des liens de parenté. De temps en temps, à l'occasion d'une fête, d'un mariage, de funérailles, ils aimaient venir ensemble et puis jouer ensemble, courir ensemble dans la campagne, gambader sur la montagne, grimper dans les arbres. Et puis le soir, à la fraîche, se retrouver derrière la maison et puis à regarder dans les étoiles et à parler de destinée et de Dieu. Et ces deux petits garçons grandirent. L'un devint un menuisier, un charpentier, un maçon dans son village. Et l'autre fut placé parmi des moines, des gens un peu étranges qui vivaient dans le désert, adonnés à la méditation, à la prière, à l'étude. Et il grandit parmi eux, ayant adopté leur style de vie, leur manière de voir les choses, leur optique un peu particulière sur la religion. Et un jour, celui-ci sortit du désert avec des visions de Dieu dans les yeux. Il commence à prêcher. Un message qu'il avait reçu de Dieu sur la proximité du royaume, sur quelque chose de nouveau que Dieu allait faire dans le monde. Et les foules vinrent à lui pour l'écouter, pour recevoir cette parcelle du royaume qu'ils entrevoyaient dans son message. Et un jour, alors qu'il était avec ses disciples, il voit le long du chemin quelqu'un qu'il reconnaît. Et dans un élan de révélation divine, il s'écrit, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Il y avait deux de ses amis qui l'entendirent, qui se regardèrent l'un l'autre. Et l'un dit, j'y vais, tu me suis? Absolument. Ils s'excusent, les voilà partis, et ils suivent celui qui a été identifié comme agneau de Dieu. Et lui, il avance, mais il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se retourne, il dit bonjour, un problème? Et ils disent ben oui, on voudrait faire connaissance, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce qu'on pourrait, vous accompagner? Mais oui, venez, bien sûr. Et il nous a dit qu'ils allèrent et qu'ils passèrent la journée ensemble et que tout allait très bien. Ces deux copains étaient d'une petite ville qui s'appelle Bethsaida. Le nom de l'un des deux était André. Et André avait un frère qui était aussi de Bethsaida qui s'appelait Simon. Et André se tourna vers l'agneau et lui dit, est-ce que je peux être excusé, j'ai quelque chose à faire? Mais oui. Donc André va trouver son frère Simon et il lui dit, lui dont on a tellement parlé, dont on a rêvé, est parmi nous, le Messie est là. Simon était le genre de personne, vous n'avez pas à lui dire une telle chose deux fois, le voilà parti avec André. Il se précipite, c'est André qui essaye de le retenir. Et ils arrivent là. Présentation. Et après un moment, l'agneau regarde attentivement Simon et il lui dit, on se comprend, n'est-ce pas? En effet, il sentait qu'il y avait un lien là, entre lui et Simon. Et il lui dit, tu sais, je crois que nous avons un avenir ensemble. J'entrevois en toi une espèce de solidité, un caractère fondamental. Et qu'est-ce que c'est que Simon, ce nom que tu as qui veut rien dire? Est-ce que tu serais d'accord que je t'appelle, tiens, Pierre, Cephas, Pierre, Rock, Rocky? Alors, lui, ça lui plaît. Simon dit, d'accord, tout de suite. Et après ce jour, et Simon fut aussi Pierre, Simon-Pierre. Ces deux copains, plus Simon-Pierre, étaient tous les trois de Bethsaida. Ils avaient un ami qui était lui aussi de Bethsaida, mais il était présent là. Ils commencèrent à le baratiner au sujet de leur découverte. Le Messie est parmi nous, nous le connaissons, nous le suivons. C'est l'agneau, l'agneau de Dieu. Mais Philippe n'était pas du tout comme Simon. C'était plutôt un garçon timide qui n'osait pas s'engager. Il avait tellement envie de faire connaissance et peut-être même de suivre comme les autres, mais il n'osait pas. N'est-il pas étrange que ce soit lui, l'agneau, qui, à l'occasion, trouve Philippe et lui dit, Philippe, je sais qui tu es, et je sais là où est ton cœur, je sais ce que tu veux, c'est bien. Tu veux faire connaissance, faisons connaissance, tu veux me suivre, viens. Et bien sûr, ce fut un jour tout nouveau pour Philippe. Il fait partie du groupe. C'est alors qu'il décida de commencer un ministère itinérant. Ils sont d'accord, mais Philippe dit, attends, avant de partir, j'ai quelque chose à faire. Philippe avait un ami qui s'appelait Nathanaël. Philippe va vers Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé le Messie, il est parmi nous. Nathanaël dit, ah bon? Et d'où il vient ton Messie? Voyons voir un peu la liste des endroits dans la loi et les prophètes d'où le Messie peut venir. Alors c'est là que Philippe est coincé. Il ne veut pas admettre que le Messie, son Messie à lui, vient de Nazareth. Vous voyez, Nazareth, il n'est pas indiqué dans l'Ancien Testament nulle part. Un trou. Finalement, il se résout quand même à admettre que son Messie à lui vient de Nazareth. Oh ben, Nathanaël dit, eh ben, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Mais Philippe insiste, parce qu'il est sûr de ce qu'il dit, il insiste. Traîne Nathanaël après lui. Ils arrivent et là est l'agneau. Et le moment où les yeux se croisent entre Nathanaël et l'agneau, voilà qu'il dit, j'arrive pas à en croire mes yeux. Un homme dans cette culture qui a le cœur droit, le voici. Nathanaël qui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Tu ne me connais pas. Qui es-tu et qui suis-je? Et il dit, Nathanaël, je te connais. Ça fait longtemps que je te connais. Et ce jour-là, Nathanaël fit partie du groupe. Donc, ils décidèrent de partir. Ils vont et ils passent de ville en ville, de village en village. Ils prêchent la parole de Dieu, ils manifestent la puissance de Dieu, ils manifestent la domination du règne de Dieu sur les manifestations du mal. Et tout va bien jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la petite ville là-bas au nord, dans la Galilée, où il y a une maison de péage. Et dans cette maison de péage, il y a un salaud qui s'appelle Lévi, qui est assis là, derrière son bureau, comme une pieuvre avec ses tentacules. Un rapace, pour ne pas mélanger les images. Et ce Lévi, de l'intérieur, de son endroit, il observe ce qui se passe dans les rues. Et il voit le groupe qui passe, il s'approche de la porte, il écoute, il entend le message de l'amour de Dieu, de la possibilité de renouveau. Et son cœur se gonfle d'espoir. Mais d'autre part, il sait qu'il n'a aucune raison d'espérer. Il sait très bien qui il est. Il retourne s'asseoir derrière son bureau. Et il sent qu'il y a quelqu'un à la porte qui obscurcit le passage. Il voit des pieds en sandales qui se rapprochent. Une grosse main de travailleur manuel qui se pose sur son bureau. Il lève les yeux. Il est confronté avec l'amour de Dieu, qui l'appelle, qui le pardonne, qui l'accepte. Et c'est le jour où Lévi est devenu Matthieu. Sa vie est bouleversée ce jour-là. Et il est invité, il décide de suivre l'agneau de Dieu. Mais avant de partir, il dit, attends, j'ai une requête à faire. Tu vois, dans cette petite ville, il y a un tas de canailles comme moi qui sont mes copains. Il y a des publicains, il y a des prostituées, il y a des gays, il y a des sans-abri, que sais-je, il y a des parias. Et ils n'ont aucune chance de savoir qui tu es. Et je voudrais tellement qu'ils fassent connaissance avec toi. Est-ce que ce serait OK de faire une partie, ce soir, un banquet chez moi? Tes gens à toi et mes gens à moi, tous ensemble. Il dit, bien sûr, mais c'est pour eux que je suis venu. Il y a un tas de gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de connaître l'agneau de Dieu, faire connaissance avec lui ce soir, à cause de Lévi devenu Matthieu. Ils se joignaient au groupe et ils continuèrent leur ministère. Ils allèrent dans le sud, cette fois-ci, du pays, la grande vallée, dans cette ville Jéricho. La cité des dates, une ville magnifique. Et là encore, il y a une maison de péage. Et le type qui est là-dedans s'appelle Zachée, un type qui est vendu aux Romains, un véritable vendu, qui exploite la population non seulement au compte des Romains, mais pour son compte. La même chose se reproduit. C'est drôle comme l'agneau a le don d'attirer ces gens-là. Mais Zachée, il n'est pas passif, il n'est pas comme Lévi. Lui, il décide qu'il va prendre les choses en main et il va obtenir la bénédiction. Et la manière d'obtenir la bénédiction, c'est de faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est de voler. Il va se placer là, où il va pouvoir observer sans être observé, Et au moment voulu, il va voler la bénédiction visuellement, il va la serrer dans son cœur et la garder pour lui pour toujours. Et son plan marche exactement comme prévu. Il est là, penché en avant, il voit le groupe arriver, avec des yeux avides, il absorbe tout ce qu'il peut, mais juste au moment critique, voilà que tout tourne mal. Parce qu'il s'arrête, au lieu de regarder dans l'autre direction, il regarde dans cette direction, au lieu de baisser les yeux, il lève les yeux et il sent qu'il est découvert. Il voudrait pouvoir disparaître dans le néant, mais au lieu de ça, le voilà qui s'approche, qui lui parle. Et il est certain qu'il va entendre des paroles de condamnation, de jugement, de rejet, qui lui ont été toujours adressées. Au lieu de cela, ce sont des paroles de compassion, de pardon, de salut. Et cette fois-ci, c'est lui qui dit, « Zachée, je sais que tu as beaucoup d'amis dans cette ville, des gens un peu comme toi. Est-ce que ce serait OK si ce soir, tes gens à toi et mes gens à toi, on a un banquet chez toi ?» Il dit, bien sûr, bien sûr. Un bonheur inespéré pour lui. Il nous a dit que ce soir-là, ils ont eu un de ces banquets qui a fait les nouvelles du quartier pendant longtemps dans cette ville. Eh bien, comment atteindre ces gens qui ne peuvent pas être atteints autrement? La méthode à Jésus, c'est ce que je l'appelle, la méthode à Jésus. Comment c'est marqué là? Pendant des générations, les gens de nos églises ont reçu comme enseignement qu'il fallait être séparé du monde. Séparation du monde means ségrégation. Je veux dire ségrégation, ça veut dire séparation des gens qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens. N'est-ce pas? La méthode à Jésus, c'est exactement le contraire. C'est un ordre de la part du Seigneur Jésus à aimer notre voisin, quel qu'il soit. Ne pas s'éloigner de lui ou d'elle, mais de s'approcher de cette personne. Et d'aimer le voisin, c'est-à-dire d'avoir le souci du bien-être de ce voisin, d'être préoccupé par les besoins de ce voisin, et d'être ouvert envers ce voisin, d'établir des liens d'amitié, en tout cas, avec ce voisin. Voilà ce qu'on devrait enseigner dans nos églises à ces multitudes de gens qui côtoient tous les jours ces autres qui sont en dehors, qui sont hors d'atteinte. C'est que c'est leur responsabilité d'établir des liens d'amitié avec des non-chrétiens, justement. Dans quel but? Certainement pas dans le but de les évangéliser. En fait, on devrait interdire à notre peuple chrétien de faire de l'évangélisation individuelle. Parce que je suis certain qu'ils rebutent beaucoup plus de gens contre l'Évangile qu'ils en gagnent pour l'Évangile. Et alors quoi? Eh bien, faire simplement ce que Jésus a dit de faire, d'aimer ces personnes. Pas dans le but de les convertir, parce que ce serait un peu de la manipulation. Et après, aimer et puis... Je suis absolument convaincu que lorsque un chrétien s'engage dans un lien d'amitié avec un non-chrétien, qu'il y a une troisième personne qui entre dans cette relation, et cette troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Je ne fais pas confiance aux chrétiens pour faire de l'évangélisation avec le non-chrétien, mais je fais confiance au Saint-Esprit pour savoir ce qu'il fait avec le non-chrétien au travers du chrétien. Tout ce qu'il est demandé aux chrétiens, c'est d'aimer son voisin. Pas de tract, pas de verset, pas d'assommer les gens avec des histoires d'aimer. Et le Seigneur va se servir de ce lien d'amitié pour pénétrer les défenses du non-chrétien. Parce que vous voyez, dans la vie du non-chrétien, il y aura un jour de crise. Il y aura le conjoint qui partira, il y aura le gosse qui sera dans les drogues, il y aura du chômage, un accident, que sais-je. Et le non-chrétien sait qu'il y a dans la vie du chrétien des ressources que lui ou elle n'a pas. Et qu'on peut s'adresser là. Et c'est là l'occasion finalement pour le chrétien de s'ouvrir, d'offrir un témoignage, de montrer une voie, d'indiquer qu'il y a la prière, qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un recours. Et c'est là que le non-chrétien est sensibilisé, qu'il devient un chercheur après Dieu. Et alors, que faire avec ce chercheur? Eh bien, le prendre par la main et puis l'amener à une de nos réunions, de nos cultes d'adoration. N'est-ce pas? Un désastre absolu. Parce que ces réunions, ces services d'adoration ne sont pas faits pour des non-chrétiens, c'est fait pour des chrétiens. Le langage, toute l'atmosphère, tout ça, c'est fait pour des chrétiens. En fait, moi, je sens que lorsqu'il y a des non-chrétiens qui participent, qui sont présents là, qui ne peuvent pas participer, ils ne savent pas ce qui se passe, mais qui sont présents, ça, c'est un peu un obstacle au culte. Mais ça, c'est une impression personnelle. Bon, alors quoi? Eh bien, c'est là que je crois que chaque église a la responsabilité de fournir aux chrétiens, selon les besoins, de fournir aux chrétiens présents dans l'assemblée qui ont des rapports d'amitié avec des non-chrétiens, de fournir à ces chrétiens ce qu'on appelle, nous, de l'autre côté de la frontière, un « seeker event », c'est-à-dire un événement pour chercheurs. Qu'est-ce qu'un seeker event? Eh bien, c'est un lieu intermédiaire. C'est un espace de sécurité entre le monde là-bas et l'Église là, où les chrétiens peuvent amener leurs amis non chrétiens, mais qui sont ouverts maintenant sensibilisés, où ils peuvent les amener, afin que ces non-chrétiens, d'abord, voient la communauté en action, et deuxièmement, qu'on leur montre que l'Évangile répond à leurs besoins, peut-être à leurs attentes inconscientes. Alors, ce seeker event doit avoir lieu dans un endroit neutre de préférence, pas dans une cathédrale gothique, bien sûr. Et doit être culturellement pertinent, c'est-à-dire qu'il doit être adapté à la culture locale. La culture locale change de quartier en quartier, généralement de banlieue en banlieue, de ville en ville. Ça peut être un film, ça peut être un discours, ça peut être un banquet, ça peut être un concert, ça peut être un service, une réunion spécialement conçue. Ça peut se faire une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois par mois, une fois toutes les semaines. Ça dépend du besoin. Mais je crois que c'est un service à rendre à la communauté et surtout aux chrétiens engagés qui se lient d'amitié avec des non-chrétiens. Et c'est là que le chercheur vient, qu'il s'habitue à l'atmosphère, à la présence des chrétiens. Il y a quelqu'un là pour veiller sur lui, c'est son ami chrétien qui l'a suivi dès le début, qui au moment venu l'aide à s'en remettre au Christ pour le salut et pour la vie éternelle, et puis qui l'aide ensuite à s'intégrer dans la communauté, à faire partie d'un groupe, d'une petite cellule, peut-être de chercheurs, il y a des cellules pour chercheurs maintenant, ou bien alors à venir aux réunions, à faire partie du culte, à se développer spirituellement. Vous vous souvenez des critères de la communauté dont nous avons parlé, s'intégrer au ministère, etc., après avoir découvert son charisme. Ou ses charismes. Et ensuite, quoi ? Eh bien, ensuite, cette personne qui n'aurait jamais pu être atteinte autrement par l'Évangile devient elle-même un chrétien, une chrétienne, qui se lie d'amitié avec des non-chrétiens, et ça fait boule de neige. C'est la méthode de Jésus. Et ce seeker event dont je parle, c'est le banquet de Lévi, c'est le banquet de Zachée. Et il n'y a pas à dire que ça fonctionne en Amérique et pas autre part. Je sais que ça fonctionne autre part, d'abord. Et puis, c'est un ordre biblique. Donc, c'est universel. Et quel est l'ordre ? C'est d'aimer son prochain. Et c'est cet amour dont Dieu se sert pour intervenir dans la vie des non-croyants. Et pour provoquer des conversions. Bon, troisième méthode, ou troisième approche, là encore, la référence est biblique, c'est la parole du Christ, l'ordre du Christ d'après Actes chapitre 1, où il dit à ses disciples, d'être ses témoins à Jérusalem. Et lorsque le témoignage est établi à Jérusalem, le témoignage se communique dans la Judée. Lorsque le témoignage est établi en Judée, il se communique dans la Samarie. Lorsque le témoignage est établi en Samarie, il se répand au loin, plus loin, en cercle concentrique. C'est la méthode d'essaimage d'église. Voilà ce dont il s'agit. C'est l'Église qui reproduit une autre Église. On retrouve cette méthode dans le livre des Actes, chapitre 19, lorsque l'apôtre Paul va à Éphèse et qu'il enseigne à Éphèse, il nous est dit dans ce passage, chapitre 19, je crois que c'est au verset 20, par là, il nous est dit dans ce passage qu'à partir d'Éphèse, la parole de Dieu se répandit dans toute la province d'Asie.